rap a tourné en rond. Y'a pas de baron, je sors du taf freestyle, baf du daron. Ne parlez pas de clash, de concurrence ou des ventes d'albums. Rap sans calache, mais tu veux de la rime, prends de la bonne. Aucune prétention, on pète le radar de la modestie. Missile sous tension, tiens les mots pour les rogues, j'estime. Pas là pour faire du bise ni de coups médiatiques. T'as pas casse sur mon dos car je l'ai prise tous mes sciatiques. Hey, si tu bibis de la coco sur le terre-terre et que tu parles trop, c'est pas les MC qui te feront manger le parterre. Les commissaires va mettre des PV, mérite des pavés, ils nous grugent. Les juges, les commissaires sont dépravés. L'économie souterraine a mis l'ego, vomis sur le terrain. Et si t'es rien, nos vivales, dis l'ego par terrien. Ce qu'ils pensèrent de nos rues, que des tueries meurtrières. C'est un cancer quand tu ris de ce que nos tumeurs crièrent. Ils veulent tous rapper comme s'ils avaient quelque chose à dire. Veulent gratter des proses pour aller se bâtir un empire. Plutôt crever que de salir les potes qui me restent. J'ai la trentaine, j'finis en quarantaine si tu testes. Ils veulent tous rapper comme s'ils avaient quelque chose à dire. Veulent gratter des proses pour aller se bâtir un empire. Plutôt crever que de salir les potes qui me restent. J'ai la trentaine, j'finis en quarantaine si tu testes.